Le mariage est un peu précipité. Déjà vous lui demandez si avec vous elle veut emménager. Elle répond oui, elle est ravie. Vous retapez une vieille baraque à les plages 44. Vous préférez acheter du neuf à les plages 49.